Ensuite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes à 17h et à 23h. Cette semaine, L'appel de la montagne, une série de Marie Chartron réalisée par François Teste. Au départ de cette série, il y a des images sur des gravures, des boîtes de chocolat ou des cendriers. Ciel bleu, sommets enneigés, Edelweiss, téléphérique rouge et chalet fleuri. Mais il y a aussi les mythologies des hauteurs. La merveilleuse Frau Chocha qui apparaît dans les portes battantes du sanatorium et l'alpinisme où les orteils gèlent dans la tempête avant d'atteindre le refuge. Alors pour commencer, les personnages. Une historienne montagnarde, un écrivain guide, une gardienne de refuge, un randonneur fatigué, des randonneurs, les pionniers de l'alpinisme et un géomorphologue qui scrute les parois. Ensuite le décor, des chamois, des marmottes, des montagnes hostiles, le goût de la performance, des avalanches, pas d'eau, l'aiguille du goûter, Chamonix, un téléphérique, les dortoirs du refuge, l'Annapurna et le club alpin, des mulets et des hélicoptères, des myrtilles et des disparus. Aujourd'hui, 4e épisode, ça commence par une vieille rengaine. Comme elle est belle, ma montagne, où chante l'eau claire des torrents. L'appel de la montagne, Marie Chartron, François Teste. Je dirais que finalement en altitude, c'est ça qu'on retrouve, c'est la tranquillité, parce que plus on va haut, moins on est, quoi. Donc c'est vrai que c'était, pour moi quand j'étais en refuge, en altitude, j'étais dans un petit cocon. Je me sentais protégée de tout ce qui va un petit peu trop vite en bas, quoi. Ben, monter, c'est toujours, on a toujours envie de monter, mais d'aller voir plus loin, d'aller voir au-dessus. Monter, c'est un peu comme une réflexion, c'est comme une pensée, mais le plus dur, c'est la descente, je pense. Que ce soit en montagne ou même dans notre vie, hein, quand on fait quelque chose, qu'on est heureux, que ça y est, on a accompli quelque chose, le plus dur, c'est toujours la descente. Ouais, coucher de soleil. Coucher de soleil, ça se regarde, ça se commande pas, si. Alors qu'en bas, il doit commencer à faire nuit, nous, on est encore au jour. On est les derniers privilégiés de l'astre des jours. Et puis tout à l'heure, on va voir se lever assez vite l'astre des nuits, parce que c'est pleine lune cette nuit. Et tu regardes la montagne, tu regardes le ruisseau, tu observes la vallée. Pendu par la pluie creusée, tu observes les sommets, leur ombre est projetée. Aujourd'hui, un refuge entre deux mondes. Observer les pentes et les sommets dans la solitude délicieuse ou l'effroi, les gravir en cordée, par jeu ou par défi. Dans la très fréquentée vallée de Chamonix, le voyage s'arrêtera aujourd'hui à mi-hauteur et les cimes resteront imaginaires. Dans l'immensité de la montagne, nous cherchons à distinguer une maison, toute petite, une lumière dans la nuit. Nous atteindrons le refuge juste avant que la montagne ne se dépeuple en fin de saison et que les derniers gardiens ne partent, laissant derrière eux quelques couvertures pour les courageux qui auraient besoin d'un toit au cœur de l'hiver. Émilie-Anne Pépi, vous êtes maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Vous êtes historienne des montagnes et peut-être aussi montagnarde historienne. Avant que les flancs de montagne ne se peuplent, peut-être étaient-ce des déserts, à qui appartenait ce monde de la montagne ? Il ne faudrait pas imaginer des bordures de l'espace minéral qui soient complètement désertes. C'est-à-dire que vous avez toujours eu des populations montagnardes, rurales, agricoles, qui vivent d'un petit élevage qui se transforme au XVe siècle en élevage bovin, qui rapporte plus d'argent, et qui vivent également de polyculture. Et ces gens, pour se procurer des compléments alimentaires, peuvent se rendre plus haut, vraiment sur les hauteurs, dans la partie glacée, dans la partie empierrée, notamment pour la chasse. Parce que ramener un chamois ou ramener une marmotte, même si ce n'est pas officiellement autorisé, eh bien ça fait du bien pour se nourrir. Donc on a toujours eu des pratiques de traversée qui se font de la part de chasseurs, de contrebandiers, de voyageurs qui sont plus des voyageurs normaux, hein, j'ai envie de dire, liés au monde marchand, ou des soldats, des diplomates, etc. Des gens qui sont capables de marcher beaucoup pour traverser la montagne, pour traverser ces parties élevées inhospitalières, mais ils ne vont pas chercher à y demeurer. C'est-à-dire qu'à moins d'avoir véritablement un problème de type climatique, on ne se réfugie pas dans une anfractuosité de pierre pour y passer la nuit. Donc, les gens traversent et ils résident dans les villages qui sont à la limite de ce que les géographes appellent l'ocoumène, c'est-à-dire la partie habitée du monde. Et là, ils peuvent trouver abri soit chez les curés ou les pasteurs, hein, si on est en espace protestant, soit chez des particuliers qui vont ouvrir la grange et laisser dormir dans le foin. Donc, cette montagne, elle est frôlée, en quelque sorte. Elle est traversée, elle est parcourue, on chasse, mais on n'est pas encore dans la logique où on veut monter au point le plus élevé, gravir un sommet. Ça, c'est une autre histoire. C'est une histoire qui est liée à l'imaginaire, et c'est une histoire qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle, du point de vue des Anglais. Ce sont les Anglais qui inventent le sport, c'est-à-dire le fait de se dépenser gratuitement, sans objectif précis, pour épuiser le corps, pour en renforcer le corps. Et il y a aussi le goût de la performance, c'est-à-dire essayer d'aller là où personne n'est jamais allé. Dominique Potard, vous êtes guide, écrivain. Guide de haute montagne et écrivain. Nous allons quitter la vallée en votre compagnie pour aller passer une nuit dans un monde suspendu, un monde entre deux, entre la vallée et les cimes. C'est ça, les refuges, c'est un intermédiaire, parce qu'on ne peut pas faire les sommets en une seule journée. Et donc, ça s'est créé comme ça, les refuges, pour faire une étape. Et nous allons nous élever de 1200 à 1300 mètres, pour rejoindre le refuge du Plan de l'Aiguille, qui est face à nous, on l'aperçoit. Est-ce que vous pouvez décrire et puis dire ? Petite maison au toit plat, qui est à gauche du pylône du téléphérique de l'Aiguille du Midi. On voit juste le toit qui dépasse. Et toute cette montagne s'appelle la montagne de Blétière, qui commence à avoir les belles couleurs d'automne. Et après, en haut, on voit les mélèzes qui commencent à devenir orangés, après ils vont devenir rouges. C'est la meilleure saison à Chamonix, surtout quand il y a un temps comme ça, pour découvrir la montagne, parce que bon, il n'y a pratiquement plus personne, c'est calme. La montagne est apaisée après le rush de la saison d'été, c'est le meilleur moment. C'est souvent, les gens d'ici préfèrent l'automne comme saison. Et ce refuge qui est à l'intermédiaire entre deux mondes, le monde végétal et le monde minéral, on a l'impression qu'il va tomber. Il est vraiment au bord. Alors, ils l'ont construit à cet endroit-là, c'est pas par hasard, c'est pour qu'il soit à l'abri des avalanches. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Il faut aller chercher de l'eau dans une petite vallée qui est sur le côté. Et en direction du soleil ? Alors, sous le soleil, il y a une aiguille, ben, c'est très simple, qui s'appelle l'aiguille du goûter, parce qu'il est bientôt 16 heures, et l'aiguille du goûter se trouve... à l'heure du goûter, sous le soleil. Comme l'aiguille du midi, on l'appelle comme ça, parce que le soleil passe à midi. Donc on voit l'aiguille du goûter sur la droite, il y a un refuge au sommet, qui est le refuge du goûter, qui est le refuge le plus fréquenté du massif du Mont-Blanc, parce que c'est par là que passent la plupart des gens pour faire l'ascension du Mont-Blanc. Et après, toute cette crête qu'on voit, qui monte sur la gauche, par le dôme du goûter, l'arête des Bosses, et le Mont-Blanc, on le voit pratiquement, le sommet, qui vient buter contre la forêt, là. toute cette crête, c'est la voie royale d'ascension du Mont Blanc, qui est la voie la plus fréquentée pour grimper sur le Mont Blanc. Donc nous sommes partis pour cette ascension. Modeste. Modeste, mais longue. Pour compter 3h30. Et en téléphérique, 15 minutes. Voilà. Je vous laisse le choix. Pourquoi êtes-vous devenue gardienne de refuge, Delphine Lantignac ? Gardienne de refuge, peut-être c'était un rêve d'adolescente. Un rêve d'ado où j'habitais pas du tout à la montagne et je suis arrivée totalement par hasard ici par le biais d'une colonie. Et j'ai passé ma première nuit en refuge d'altitude, dans un refuge de moyenne montagne, avec le plaisir d'être réveillée par les cloches des vaches. Et là, ça a été un coup de foudre. Ça a été physique. Et je me suis dit, mais la sensation que ça me procure, c'est extraordinaire. Et j'ai envie de venir vivre à la montagne. Et au fil du temps, j'ai fait des études dans l'hôtellerie-restauration. Et arrivé un moment où j'avais la possibilité de travailler, j'ai essayé de concilier les deux. Dire, voilà, bah, je vais poser mon CV en montagne, dans des refuges, en tant que cuisinière. Et peut-être que je serai prise. Et l'aventure a commencé comme ça. J'ai été embauchée en tant que cuisinière à l'âge de 17 ans. Et puis après, bah, de fil en aiguille, j'ai fait ça pendant presque 18-20 ans. Voilà, on est gâtés, parce qu'on est quoi, une dizaine dans la belle. En général, l'été, on est comme ça, tout serré. Et ça tangue. Les gens ont essayé de voir, ça s'attend beaucoup moins. Elle est plus stable, la belle pleine. Ça a été construit en 1955, jusqu'à l'aiguille du Midi. C'était un long chantier. Je trouve qu'on a poussé trop loin le bouchon dans la vallée de Chamonix, à tout vouloir exploiter sous plan touristique. Bon, c'était les 30 Glorieux, c'était le moment de. Le développement touristique à fond, c'est en train de regarder les dégâts qu'il pourrait y avoir sur la nature. Quand on voit le sommet du Brévent, on a l'impression qu'il y a une plateforme pétrolière au sommet. Là. Et qu'est-ce que c'est ? C'est l'arrivée du téléphérique. Ça tangue de plus en plus sérieusement. On est proche du naufrage, là. Le désir d'aller en montagne, c'était plus une émotion qui m'avait traversée. Enfin, je me suis sentie très bien dans cet univers. Et puis j'ai toujours été un petit peu quelqu'un d'assez calme, quelqu'un d'un petit peu solitaire. On vit avec la lumière, je veux dire, la lumière, la météo, on est sensible à tout ça. On n'a pas du tout les mêmes repères que quand on est en bas, au niveau du temps, où on voit les commerces qui se ferment et qui s'ouvrent, et puis on se dit, tiens, là il est midi, là il est 18h. On est complètement décalé, on vit plus avec la nature quand on est là-haut. Je vivais pas du tout avec la montre et c'est vrai que j'étais en refuge, on vit beaucoup avec le soleil et puis on sait à peu près, tiens là, il passe derrière la montagne, il est 18h, il est 20h, on est un peu sur un autre rythme. Ouais. Voilà, on arrive. On arrive. Au pied des aiguilles. Est-ce qu'on va s'échouer ? Là où j'ai peut-être été la plus sensible par rapport à ça, c'est au refuge de l'Échaud. Parce que c'est un petit refuge qui est accroché à la montagne, à plus de 2000 mètres, dans le massif hein, du Mont Blanc. Et finalement, le matin, il fait froid quand le soleil n'est pas là. Donc on reste à l'intérieur du refuge. Et on sait qu'à peu près, voilà, le soleil vient taper sur les petites barrières de la terrasse. Et là, on sait qu'il est peut-être 8h ou 9h du matin. Et on commence à avoir un autre rythme de vie, parce qu'on commence à ouvrir la porte du refuge et à aller dehors. Et à profiter des quelques degrés qu'on a gagnés avec le soleil, quoi. Et au fil de la journée, en le voyant passer derrière les Jorasses, après quand il basculait derrière la dent du géant, et après quand il venait taper sur les aiguilles de Chamonix, c'est un refuge qui est exposé soleil couchant. Donc j'avais le soleil tard le soir. Et je savais que quand il disparaissait derrière les montagnes, et ben il était 9h passées et il est temps de se remettre au chaud. Voilà. Parce que là j'en perdais 2 degrés. Voilà. L'arrivée au plan de l'aiguille est une première marche vers les sommets. Nous apercevons en bas la vallée muette, accompagnée de Dominique Potard et de son ami Philippe Bidot, lui aussi guide et moniteur de ski, galopant insolemment en tombe au cœur de l'automne quand tous les autres sont lourdement chaussés. À une autre époque, ces deux-là auraient sans doute été porteurs, montant à dos d'homme le matériel de construction des refuges et des observatoires, où au XIXe siècle, les bagages pléthoriques de lords et ladies exaltés gravissant les sommets en quête de sublime. C'est vraiment c'est une drôle de strate, une drôle de couche à mi-hauteur entre le monde végétal et le monde minéral. Et avec cette lumière, c'est très étrange, il y a les rochers qui affleurent et puis c'est jaune et rouge. Ces beaux blocs de granit avec le lichen vert. Presque lunaire. Puis c'est un petit côté lunaire avec toutes ces pierres. Surtout avec les herbes qui sont jaunes maintenant. Ça sert encore d'alpage. Il y a différents niveaux d'alpage avec des chèvres. Et puis sur un gros bloc de granit, cette plaque assez mystérieuse qui s'appelle Choisir sa voie. C'est tout un programme. Quel est le message biblique? Première voie, conquérir la montagne en utilisant la voie la plus accessible. Seconde voie, atteindre le sommet par une variante plus belle. Ça, c'est bien. Et troisième voie, le plaisir du geste sans aller jusqu'en haut. C'est-à-dire qu'il s'arrête là parce qu'après, c'est du terrain trop facile, il redescend. Et alors, si on suit la métaphore, quelle voie choisissez-vous? Bon, moi, je reste au refuge maintenant, à mon âge. C'est la voie du bar du refuge. Est-ce que vous pouvez décrire ce refuge de l'Échaud? Alors, souvent, les gens rentraient dedans, ils trouvaient que ça ressemblait à un petit bateau, parce que c'est un refuge qui est tout en longueur, qui doit faire... il n'est pas bien grand, mais je ne pense pas qu'il fasse 20 mètres de long. Et donc, il est rectangulaire, tout en longueur, accroché à la montagne. Et il y a tout qui se confond dedans, c'est-à-dire que le dortoir est à la fois la salle à manger. Et pour que chaque lieu de vie soit praticable, on va dire... Bah pour manger, on va décaler la table et puis il y a des petits bancs qui apparaissent dessous. Donc chacun s'assoit autour de la table. Puis au moment de se coucher, puis on range tout, on recolle la table comme on peut contre le mur pour gagner peut-être 50 cm. Et on a juste à se tourner et à s'allonger sur le lit. C'est du tout en un. Et même le coin du gardien est minuscule, il fait que quelques mètres carrés. Donc en descendant de son lit, le gardien, il a un pied dans la douche, un pied dans la cuisine... Et une main dans la chambre. C'est tout petit, ça fait. Je pense pas que ça fasse. Ça fait moins de 10 mètres carrés la totalité. Et la terrasse du refuge est minuscule. On doit s'asseoir un petit peu coincé, une vingtaine de personnes dessus. Et c'est une terrasse qui est un petit peu suspendue. On accède au refuge par des échelles. Donc on arrive par le bas par une échelle. Une échelle dans la roche. Une échelle dans la roche, ouais. Ouais, ouais. Donc l'accès au refuge, et maintenant il y a beaucoup de refuges, en tout cas dans le massif du Mont-Blanc, qui sont accessibles comme ça, parce qu'il y a les glaciers qui fondent, donc ben, on est à même la paroi. Donc il y a beaucoup d'échelles maintenant pour accéder directement au refuge. Donc moi, ben, pour arriver à mon refuge par le bas, on prenait des échelles, et puis pour repartir, on repartait par le haut, avec des échelles également. Voilà, c'est une petite boîte accrochée à la montagne. Il y a un super poil, super plat. Le voilà, le plan de l'aiguille, Dominique Potard. Le refuge du plan de l'aiguille, récemment rénové. Là, il ne fait plus qu'une seule maison. Avant, il y en avait deux. À gauche, le petit refuge. refuge, le tout premier qui a été construit, comme je vous disais, autour de 1860, je crois, si ma mémoire est bonne. Et puis à droite, un autre petit bâtiment qui servait pour les mulets, qui était une écurie. Donc à cette époque-là, ils ont eu l'idée de développer un chemin muletier entre le plan de l'aiguille et le Mont-en-Vert. Et puis après, petit à petit, les mulets ont disparu, les alpinistes sont arrivés. Dans l'écurie, on a fait un dortoir et les alpinistes ont remplacé les mulets. Donc on surplombe cette petite maison blanche et rouge au toit gris. Et puis on domine vraiment la vallée. C'est presque comme dans sur les peintures romantiques du 19e siècle. On domine la vallée, il y a ce camaïeu de gris. Et on voit tout au fond, on parlait de mer, ça ressemble aussi un peu à la mer, c'est ces vagues bleues au soleil couchant. Et donc c'est le massif des Aravis, surtout en premier plan. Là. Après, sur la gauche, Philippe, c'est quoi? Nous, après, quand on sort de la vallée, on sait plus, on les connaît plus, les montagnes. Mais on voit loin, hein. Il y a beaucoup de vagues quand même, des vagues immobiles. L'été, c'est pas du tout pareil, c'est une lumière beaucoup plus violente. En route. En route. Vous venez de loin ? De Adama. C'est courageux, avec un enfant dans le dos. On n'est pas compte, le dénivelé. Surtout là, l'important c'est d'avoir la dernière de la cabine. Vous envisagez pas de redescendre à pied ? Vu l'heure et mon état de fatigue, je préférerais redescendre en cabine, surtout qu'on m'avait dit que c'était en panne et je m'en suis rendu compte que ça fonctionnait quand j'étais au milieu du chemin. Allez. Bon courage. Merci. Ce que je voyais de mon refuge, souvent, c'était les gens qui arrivaient depuis le Mont-en-Vert, donc tout au bout de la mer de glace, qui remontaient le glacier, et puis qui tournaient à gauche, un petit peu en remontant, ils tournaient à gauche, puis ils montaient tous au refuge du couvercle, où ils allaient tous au refuge de l'envers. Et moi, j'étais un petit peu solitaire, parce qu'ils venaient pas souvent chez moi. Donc je passais des fois des heures à la jumelle, à regarder tous ces randonneurs qui venaient pas, quoi. Et c'est comme ça aussi que j'ai appris à connaître cette montagne avec des heures et des heures d'observation derrière ma longue vue où j'arrivais à identifier, on va dire, le rythme d'une cordée, se dire voilà, cette cordée elle évolue plus ou moins bien, cette cordée a du retard, celle-ci a de l'avance. Et ça me permettait des fois de voir s'il y avait des alpinistes qui étaient un petit peu en danger. Parce que des fois, pour certains, ils avaient énormément de retard. Et là, je me dis, oula, dans peu de temps, il va falloir que peut-être que je déclenche les secours ou peut-être que j'essaye de les appeler aussi, voir s'ils vont bien. Donc voilà. Bonjour. Vous avez du monde alors ? Oui. Bien. Ça n'arrête pas cette saison. Super. Bonjour. Bonjour. C'est bien un accueil canin à cette altitude. D'habitude, il y a du monde ou quoi ? Je pense qu'il n'y a pas tout le monde. Qu'est-ce que vous faites ? Là, on remet la cuisine en place. Parce qu'on a eu un bon service ce midi. Voilà. On va se préparer pour ce soir maintenant. Vous attendez du monde ? Il y en a une quinzaine ce soir. D'accord. Ah oui, c'est vraiment cette plaque qui accueille le marcheur ou l'alpiniste. Voilà. Refuge du plan de l'aiguille, comme dans un vrai chalet du 19e, dont vous êtes, le gardien, le maître, Claude Queneau. Le gardien, ça suffira. ça vient de voir ? Ouais, c'est ça. Mais rentrez, on va vous donner vos chambres pour ce soir. Vous faites une petite balade d'abord. Ouais, on va aller sur le chemin du Mont-en-Vert. Ouais. Vous êtes monté au lac, non ? Voir la gouille d'eau, parce qu'il est bien sec. Il est bien sec. Oh, il en manque 4 mètres. Ah oui, carrément. Ouais. Bah, laissez vos sacs à l'intérieur et puis allez refaire un petit tour. Allez. Enfin, je sais pas ce que vous voulez emmener. Mmh. être en refuge de haute montagne, comme ça a été votre cas. C'est un peu comme être tout seul en haute mer. Ouais, c'est bien comparable. Et j'ai eu la chance d'ailleurs de rencontrer des marins. Mais c'est vrai qu'il y avait plein de points en commun, parce qu'on vit vraiment avec les éléments, on est sensible au climat, à la météo, à la température. C'est un petit peu comme si on avait, je veux dire, le changement de temps, on l'a un petit peu à fleur de peau, quoi. La première interrogation de la journée, on va se dire, mais quelle météo il fait dehors ? J'ai froid, j'ai chaud, je suis bien, je suis pas bien. Et c'est ce qui va un petit peu donner le rythme de la journée. On sait que s'il fait pas beau, ben ça va être une journée où on va voir personne, ça va être très calme. Et au contraire, si c'est une journée qui s'annonce très très belle, faut recharger les batteries et on est parti pour une grosse journée de travail, quoi. Comment vous communiquez avec la montagne ? Comment vous captez les signaux de la montagne ? Alors moi, ça passait peut-être plus par l'ouïe. J'étais sensible à l'ouïe. En tout cas, vu que j'étais dans cet univers qui était très très très très calme, dès qu'il y avait des moindres changements, je les captais assez rapidement. Et que ce soit des éboulements qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, le vent qui arrive d'un côté ou d'un autre, et ben ça annonce un petit peu la tendance de la météo. Et puis des fois il y avait des vols d'oiseaux qui étaient assez surprenants, ou un hélicoptère qui passe. On est quand même dans le massif du Mont Blanc, donc il y a 2-3 petits hélicos qui passent. Et en fonction du bruit de l'hélico, on sait qui est-ce qui passe. Est-ce que c'est un hélicoptère de tourisme ? Est-ce que c'est un hélicoptère de secours ? Donc voilà, on est. Et puis le bruit des pas des randonneurs qui arrivent en dessous du refuge, où c'est tellement calme et on capte ces petits bruits, quoi. Là, on a 2100 mètres à peu près. Alors, la logique, ça aurait été de construire le refuge ici, sur ce beau plat. Il y a tout, il y a le plat, protégé des deux côtés par les moraines, à l'abri du vent. Il y a de l'eau. Mais le problème, c'est avec les avalanches. C'est-à-dire que là, ça s'est balayé par les avalanches. Donc là, nous sommes dans un petit repli de la montagne, un creux. Un petit creux, oui. Un creux à l'abri. Ça a l'air très accueillant comme ça. C'est un endroit très agréable pour camper. Je suis souvent venu camper ici. On y restait plusieurs jours. Paradis, quoi. Et puis donc, au-dessus de nous, là, on comprend bien pourquoi ça s'appelle les aiguilles de Chamonix. C'est vraiment toutes des petites pointes qui sont tendues vers le ciel. Et là, dans notre petit creux, bien à l'abri du vent, bien à l'abri de tout, j'ai entendu que les pierres tombaient. Ben, c'est vrai que là, ça s'est calmé parce que le froid est revenu, surtout la nuit. Mais on a des étés qui sont de plus en plus chauds, de plus en plus secs. Et donc, il y a de plus en plus d'éboulements. On voit des traces un peu partout. Bon, c'est pas un phénomène nouveau, les éboulements en montagne. Là, on voit bien la face ouest de Bétière, qui est plutôt brune dans l'ensemble. Il y a toute une partie qui est gris clair. Ça, c'est un éboulement qui date des années 50. Autrement, le granit en lui-même, il a cette couleur brune, orangée, voire très orangée, voire rouge, hein, comme on voit sur les drues là-bas. C'est un des plus beaux rochers du monde et propice à l'escalade parce qu'il est comme toutes les roches cristallines, il est très fissuré, donc il y a des zones pour mettre des pitons, pour s'agripper avec les mains. Il y a des zones totalement lisses, mais c'est très fracturé, il y a des cheminées. Et donc les premiers ascensionnistes, ils utilisaient toutes ces voies de faiblesse, les cheminées, pour atteindre les sommets. Une zone de faiblesse ou une voie de faiblesse, ça fait directement allusion à une voie de force ou une zone de force. Alors on est dans un rapport de force, c'est ça ? Non, il y a un combat quand même avec la montagne. Hein. Et on cherche l'endroit où elle est le plus faible pour la gravir. Et finalement, qui a le dernier mot ? C'est souvent elle quand même. On est chez elle. Ce qu'on constate, ce qui est nouveau, parce que je regarde la face nord de l'aiguille du Midi, c'est que, je dirais, il y a une vingtaine d'années, même à cette époque-ci de l'année, au mois d'octobre, ça serait pas une espèce de pierrier vertical comme ça sous le chaos de glace du haut. Il y avait de la neige là, il y avait des névés permanents qui disparaissent et tout doucement il y a beaucoup de névés comme ça, même en face nord, qui disparaissent et qui se reforment très très peu l'hiver. Il y a un petit peu des couches de neige, mais ça il y a plus ce côté neige éternelle qui est... C'est un petit peu dommage quand même qu'on fasse attention. Le grand silence de la montagne. Tout en haut de la montagne, où le ciel est tout en fleurs, enfermé dans un nuage, tu verras mon cœur. Céline Mila qui est Chirve, habitante de Servoz. Exactement. Un village connu pour ses gardiens. Oui, entre autres. Ses dynasties de gardiens. Vous travaillez ici au refuge du Plan de l'Aiguille avec Claude Queneau. Exactement. Comme gardienne. Et vous accueillez des alpinistes, vous accueillez des gens de passage. C'est un lieu de départ, un lieu d'arrivée. Comment ça se passe quand on arrive ici ? Et ben, quand on arrive ici, en fait, on fait passer par la porte de gauche les clients. Et puis on les accueille donc au comptoir. En général, les clients donc, ont réservé. Parce qu'on a une capacité limitée et c'est vrai que bah, pour venir en refuge, il faut passer un petit coup de fil pour réserver un nombre de places, dire si on prend le repas du soir, si on prend le petit déjeuner. On fait une petite fiche, on demande aussi les projets des personnes pour le lendemain. C'est-à-dire qu'on a aussi un rôle de veille ici, donc les alpinistes qui partent en montagne, c'est important qu'on sache où ils vont. Pour surveiller leur retour, entre guillemets, pour s'assurer que tout s'est bien passé. Et voilà, pour si on recherche des gens en montagne, qu'on sache un petit peu où chaque personne est partie en course. Et ça permet aussi de déterminer l'heure du lever. Parce qu'on a quand même des alpinistes qui viennent ici et qui se lèvent dans la nuit, tôt, pour aller faire leur course en montagne. Au printemps, il y a des courses comme le frein d'eau qui nécessitent de partir tôt parce que c'est long. Donc ça peut être vers 2h du matin. Et puis après, tout ce qui est course de rocher, c'est plutôt 4h30, 5h. Et après, on a un petit déj qu'on peut dire régulier entre 7 et 9 pour les randonneurs, pour les petites familles qui viennent. Bah, comme ce soir, on a deux petites familles et le petit déjeuner sera entre 7h et 9h. Ensuite, donc une fois qu'on a parlé un petit peu organisation, et bah, on guide les gens dans leur dortoir. On a des dortoirs entre 4 et 10 places. Et après le refuge, donc il y a deux autres étages. Refuge du Plan de l'Aiguille, bonjour. Oui, demain soir, pour combien de personnes ? Peut-être commencer par lire cette citation de Michel Serres, Dominique Potard, que vous avez mise dans votre ouvrage sur les refuges. La haute montagne et la haute mer se ressemblent car il n'y a pas d'habitat possible. On ne peut pas davantage mettre une maison en plein océan qu'au sommet du Cervin. Habiter, c'est savoir survivre en un lieu donné. Avant que les montagnes qui entoure la vallée de Chamonix ne se peuple de refuge, il a bien fallu que quelqu'un décide de grimper et que quelqu'un ait cette idée un peu folle d'aller construire des maisons à flanc de montagne dans des lieux inhospitaliers. C'est une longue histoire. Le moteur en a été Horace Bénédicte de Saussure, qui était un scientifique genevois et qui était très intéressé pour faire des relevés scientifiques au sommet du Mont Blanc. Il a fait plusieurs tentatives. Et puis, pour motiver un peu les gens de la vallée de Chamonix, il a promis une forte somme d'argent à qui parviendrait au sommet du Mont Blanc. Et donc, il y a un cristallier de la vallée qui s'appelait Jacques Balma. Avec d'autres gars, il est parti un jour. Ils sont partis en tentative vers le sommet du Mont Blanc. Et puis, à la descente, les autres ont continué. Lui, il cherchait un peu des cristaux. Et puis, il s'est fait prendre par la nuit. Et à l'époque, la nuit en montagne avait une sinistre réputation. On imaginait qu'il y avait des diables, toutes sortes de choses, et que il fallait surtout pas se retrouver pris dans la nuit en haute montagne, qu'on avait aucune chance de s'en sortir. Et lui, par la force des choses, il a accouché au lieu dit le logis Tabalma, et il s'est réveillé le matin, il était frais dispo, et il s'est dit on peut coucher en montagne, c'est pas dangereux. Et ça a permis de faire l'ascension du Mont Blanc, parce que le faire dans la journée, ça c'était trop long. Donc a germé l'idée de faire une étape en route. Et c'est à partir de là qu'est venue l'idée de refuge. Et donc Horace Bonnet de Saussure a fait construire deux cabanes dans des endroits différents qui ont été les premiers refuges. Et donc c'est le premier âge des refuges, c'est l'âge de pierre, c'est-à-dire que c'était souvent, ils se mettaient sous un gros bloc, puis ils faisaient des petites murettes en pierre pour s'abriter du vent, et les premiers refuges étaient comme ça. Et puis après, on s'est rendu compte qu'une fois l'hiver passé, il fallait tout refaire, parce qu'avec le froid, tout ça, c'était plus ou moins effondré. Et le premier refuge de montagne vraiment de ce nom, c'est le refuge des Grands Mulets, qui était poussé sur des rochers, qui sont les rochers des Grands Mulets, à l'altitude de 3000 mètres, toujours pour l'ascension du Mont Blanc. Et c'est un refuge en bois qui a été construit par les premiers guides chamoniards qui commençaient à amener des gens faire l'ascension du Mont Blanc. Et donc ça a été l'âge de bois à cette époque-là, et puis ça s'est fait un petit peu dans toutes les Alpes, en Suisse, en Italie. Après-guerre, je parle essentiellement pour le massif du Mont Blanc, là. Il y a eu le boom de l'alpinisme suite à la première ascension de l'Annapurna, qui a donné un coup de boost à la jeunesse française, parce que l'alpinisme véhiculait ce qui avait peut-être manqué à l'armée française, des valeurs de courage, d'héroïsme, ça a redonné vraiment un coup de fierté nationale, on peut dire, la réussite de l'ascension de l'Annapurna. Il y a eu un boom d'alpinisme et le club alpin français y a répondu en rénovant ses refuges, en installant de nouveaux. Et là, c'était l'âge de la pierre taillée, quoi. C'est-à-dire que on a fait monter des tailleurs de pierre sur les lieux, qui ont construit des refuges en pierre. Et après, dans les années 60, 70, est arrivé l'hélicoptère, qui a permis de se passer des porteurs, de tout ce qui était pour transporter des charges. Et là, le club alpin français a opté pour les refuges d'altitude, notamment le Goûter, le refuge des Grands Mollets, pour des constructions en fer. Et là, c'était l'âge de fer ou du rein humain pour construire les refuges. Et actuellement, vu qu'il y a beaucoup de panneaux photovoltaïques sur les refuges, on aurait plutôt tendance à dire que c'est l'âge de verre. Et il y a un projet au refuge Torino, je sais pas si ça va se faire, de faire un refuge où on a l'impression d'être complètement dehors. En Italie, sur la frontière, le Torino, c'est à la frontière franco-suisse, au-dessus du mont, derrière le Mont Blanc. De faire un refuge entièrement en verre. C'est un peu le futur, ça serait ça. Entrez. Il laisse jamais personne dehors. C'est pas une cuisine très active là. C'est parce qu'il n'y a pas grand monde. Et c'est parce que tout est prêt, ça y est, ça chauffe. Des casseroles sagement rangées. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce soir, sauté de porc à la provençale. Et puis soupe de légumes. Et puis voilà. Et puis en dessert, il y aura une petite tarte. Vous cuisinez à partir de quelle heure, Claude Connu? En été, on commence à 5h le matin pour faire des tartes. Et puis après, on a le service du midi jusqu'à 4-5h. Et puis après, le service du soir jusqu'à 9h. Vous vous approvisionnez comment? Hélicoptère. Et puis pour la marchandise fraîche, on passe par la benne. Et les myrtilles, vous allez les cueillir? En montagne? Moi, j'ai pas franchement le temps, mais j'ai des cueilleurs, ouais. Ah oui, oui. Oui, c'est des myrtilles fraîches. Vous gardez ce refuge depuis combien de temps? Ça fait 11 ans. Et puis avant, j'étais un petit peu plus haut, au cosmique. Et puis encore avant, j'étais au requin. À quelle altitude? Requin 2004, cosmique 3613. Et puis là, on est à 2207. Ça fait quoi, à peu près 25 ans que je suis en refuge. J'ai essayé de redescendre en bas, mais... je me plaisais pas en bas. Pourquoi? la routine. Peut-être 35 heures par semaine, mais bon, c'est pas pour moi, quoi. Tous les soirs, on voit des gens différents. Puis on est vraiment de tout, quoi. Ça peut être le randonneur, ça peut être l'alpiniste, ça peut... On a de tout. Et puis on a des grandes vacances après. 6 mois de boulot, 6 mois de repos. C'est un bon rythme. C'est tout bon. Vous les connaissez tous, les refuges de la vallée ? Bon, les refuges de la vallée, oui, bien sûr. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, de ce côté-là, si on compte les refuges bivouac, il y en a une quarantaine. Dont une bonne dizaine qui ne sont pas gardés. J'avais fait un petit peu le tour de tous les gardiens, et sur l'ensemble des refuges, la moitié des gardiens étaient des gardiennes. Et il faut savoir que le premier gardien de refuge était une femme, qui s'appelait Marie-Thérèse, qui était la première gardienne à la fin du 19e siècle, qui gardait le refuge des Grands Mulets, qui a occupé pour la première fois cette fonction d'accueillir les gens, de les nourrir, de surveiller qu'ils rentrent bien, toute la fonction de base du gardien de refuge. Le premier gardien était une gardienne. Et le refuge dans lequel on se trouve ? Alors là, on est au refuge du Plan de l'Aiguille, qui a aussi une longue histoire. C'était construit aux entours de 1860 par une fratrie de Coutet, que le tourisme s'est développé dans la vallée. Et donc, ils ont eu l'idée de faire une buvette ici, où les gens venaient pour... Il y avait un télescope, les gens venaient pour admirer la montagne. Ils pouvaient regarder au télescope les gens qui faisaient l'ascension du Mont Blanc. Et donc, moi, la première fois que je suis venu dans ce refuge, j'étais un gardien qui s'appelait Joseph Tournier, qui avait une très grosse voix. Et il rentrait dans le refuge le matin et il disait « Ceux du Grépon !» C'était à 4h du matin, il arrivait avec sa lanterne, il disait « Ceux du Grépon, debout, les autres, dormez !» Et il réveillait tout le refuge. Il est un personnage très attachant. Il avait des marmottes, il avait fait une... Avec sa grosse voix, les marmottes, elles avaient une peur bleue. Elle me disait « Dominique, viens voir, je vais te montrer les marmottes. » Et puis dès qu'on s'approchait, les marmottes, il dit « Je comprends pas, quand ma femme s'approche, elle mange dans la main, mais quand c'est moi, elle recule jusqu'au fond. » Il y a un personnage très très gentil. Est-ce qu'il vous est arrivé d'accueillir quelqu'un et de ne pas le revoir le lendemain ? Est-ce qu'il avait disparu en montagne ? Oui. J'ai envie de dire, heureusement, pas souvent, mais sur les 4 saisons que j'ai fait, en tout cas au refuge de l'Échaud, il y a eu 3 personnes voilà, avec qui j'ai passé des bons moments la veille et qui, le lendemain, ben, il fallait mettre leurs affaires qu'ils avaient laissées au refuge dans un sac et dans un petit sac plastique pour le donner aux secouristes. Ouais. Entre autres, j'ai le souvenir d'une femme qui était peut-être trop jeune. Elle avait 34, 35 ans, pleine de vie. On avait passé une soirée magnifique sur une petite terrasse ensoleillée. Et le lendemain, elle est partie faire une course et en montagne avec son guide et 2 autres clients. Et c'est quand j'ai vu l'hélicoptère passer, j'ai compris qu'il y avait un souci par rapport dans le secteur dans lequel ils étaient partis. J'ai allumé ma radio. Et voilà, j'ai compris qu'il y avait un souci quand le secouriste s'est excusé auprès du pilote en disant « j'ai pas pu cacher le visage de la dame ». Et là, j'ai dit « ah, s'il dit ça, c'est qu'il y en a, il y a forcément eu un décès, quoi ». Et là, ça a été dur parce que 30 minutes après, les secours sont venus me voir. Ils m'ont dit « il faut récupérer les affaires de cette dame ». Et j'ai dû aller dans le petit coin, son petit coin, dans une petite caisse. Elle avait laissé ses affaires. Et puis c'est là où on trouve des affaires. On a l'impression de rentrer dans l'intimité des gens. Et avec un portefeuille, avec des photos, une petite plaquette de pilules. Où je me disais, oh, elle n'est pas encore maman. Ou peut-être que ça sera en cours. Enfin, vous voyez, plein de petites pensées comme ça qui traversent l'esprit et qui sont assez dures. Enfin, ça brise le cœur. Ouais. Après, j'ai eu le cas d'un monsieur un peu dépressif qui est venu, qui a fait le choix de, je pense, de disparaître en montagne. Voilà. Il est parti à une heure un petit peu bizarre dans la nuit. Enfin, une heure bizarre, c'est-à-dire une heure à laquelle il aurait jamais dû partir, avec des conditions qui n'étaient pas du tout bonnes pour qu'il parte. Donc, il est parti tard dans la nuit, dans le brouillard. Et puis, bah, le lendemain, il n'est pas revenu. Il n'avait pas pris son matériel de montagne pour être en sécurité. Il n'avait pas pris ses crampons. Il n'avait pas pris son casque ou quoi que ce soit. Donc, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de louche. Et le lendemain, j'ai appelé les secouristes. Et malheureusement, voilà, le monsieur avait décidé de mettre fin à ses jours en montagne. Donc, voilà. Des fois, il y a des choses qui sont assez, assez marquantes, quoi. Mais il y a plein d'autres choses très belles. Heureusement, heureusement. Coucher de soleil. Coucher de soleil, ça se regarde, ça se commande pas, si. Alors qu'en bas, il doit commencer à faire nuit. Nous, on est encore au jour. On est les derniers privilégiés de l'astre des jours. Et puis tout à l'heure, on va voir se lever assez vite l'astre des nuits, parce que c'est pleine lune cette nuit. Ouais. Et vous avez, je l'ai regardé cette hier nuit, soir, hier ouais. soir. Ouais. Elle éclaire tout le massif et on se déplace en montagne pratiquement comme en plein jour. Ouais. Pas besoin de lampe frontale, on marche au clair de lune. C'est très agréable. Ça vous est déjà arrivé ? Ah oui, oui, oui. Et même, il y a une pratique qui est courante. L'hiver, quand la vallée blanche se pratique, on fait la vallée blanche de nuit. C'est-à-dire qu'on monte à la dernière benne du téléphérique de l'Aiguille du Midi, on va casser la croûte au refuge des Cosmiques, et on descend la vallée blanche de nuit. C'est assez incroyable, c'est lunaire comme descente. On peut skier pratiquement comme en plein jour, à part que c'est une lumière un petit peu comme dans les rêves, quoi. Ça donne une impression de ski qui est complètement différente de la journée. Et ouais, voilà, le soleil qui devait disparaître derrière. Ça y est, le soleil est devenu un petit nuage orange, avec une petite strate de nuages, un bouffon bleu. Un moment de paix quand même. Un gros nuage circulaire coiffe le Mont Blanc comme une soucoupe volante, que les deux guides identifient bien vite pour en avoir fait l'expérience comme une tempête violente à la cime. Il porte le doux nom de nuage lenticulaire. La nuit est bleue, les lumières de Chamonix s'allument dans la vallée, nous laissant au lit superposé des dortoirs. Plus froid ce matin en fond de vallée qu'ici. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on est à une époque où on a assez souvent des inversions de température avec l'air froid qui descend et qui se bloque en fond de vallée et au-dessus, vers 1500, 2000, 2500 mètres d'altitude, on a des températures plus chaudes que dans le fond de la vallée. Donc c'est la montagne accueillante, on peut dire. C'est vrai que ça donne une caractéristique agréable que de se balader en montagne avec des températures relativement clémentes. Alors même qu'il fait très froid le matin en fond de vallée. Les températures sont clémentes et par contre on entend des explosions en série depuis près d'une heure. Alors ça c'est les pisteurs qui sont en train de préparer leur matériel de déclenchement d'avalanche, ce qu'on appelle des gazex. Et plutôt que de faire les essais quand déjà il y a de la neige et quand il faut sécuriser les domaines, bah, dès l'automne on entend ces déflagrations qui correspondent à la remise en place du matériel. Ludovic Ravanel, vous faites partie des personnes qui ont passé la nuit au refuge du plan de l'aiguille et on se réveille au milieu des montagnes. Ces montagnes, vous les parcourez et vous les habitez, vous les scrutez. C'est effectivement une partie de mon travail. Donc moi, je suis membre de la compagnie des guides, mais c'est une petite partie de mon activité. L'essentiel, c'est une activité de géomorphologue. Un géomorphologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'évolution des reliefs, au processus d'érosion. Et donc moi je suis spécialisé sur les questions de haute montagne, notamment face au réchauffement climatique. Alors on entend beaucoup parler des glaciers, les glaciers se retirent, etc. Mais c'est pas la seule incidence, on a aussi une grosse évolution des parois rocheuses, avec des parois qui s'écroulent de plus en plus, avec une fréquence et des volumes de plus en plus importants. C'est ce qu'on appelle la dégradation du permafrost, c'est-à-dire que au-dessus de 2500 mètres d'altitude, en gros, les parois sont gelées en permanence. Ce gel permanent, c'est ce qu'on appelle le permafrost. Et ce permafrost permet le maintien de la glace dans les fissures. Et c'est une glace qui a un rôle de ciment. Et tout simplement, aujourd'hui, on fait fondre le ciment des montagnes. ce qui les déstabilise. Et c'est notamment des processus que j'étudie. Et si on devait utiliser une image un peu plus poétique, il s'agit de quoi ? D'une respiration de... Alors, il y a une forme de respiration, c'est-à-dire que les montagnes, elles bougent. Hein. Si on prend une fracture, bah, l'hiver, il y a de la glace qui se forme, donc ça a tendance à écarter la fracture, à l'ouvrir. Et puis l'été, quand cette glace fond, au contraire, la fissure se rétracte. Mais aujourd'hui, du fait du réchauffement climatique, notre respiration, elle est forcée. Elle se fait à marche forcée. Et ça a des incidences sur la stabilité des montagnes tout entière. Ce qui se produit aujourd'hui, c'est que l'érosion normale, elle est largement accélérée. Et c'est cette accélération qui est problématique et qui est directement liée au réchauffement climatique. Et on commence effectivement à voir dans les Alpes des montagnes tout entières qui s'écroulent. Beaucoup des accidents qui se sont produits dans les Alpes cette année, en haute montagne notamment, sont effectivement liés à des processus liés au réchauffement climatique, des arêtes qui s'éboulent, des parois qui autrefois étaient en neige, où les crampons s'enfonçaient très bien dans la neige. Aujourd'hui, on a des pentes de glace beaucoup plus raides. On a des blocs qui se délogent, qui autrefois étaient sous la glace. Aujourd'hui, ils sortent de la glace et ils ne sont plus maintenus. Hein. C'est un peu comme une dent qui se déchausse. Et c'est des choses qu'on voit de plus en plus, et notamment au cours de l'été 2018, un été particulièrement caniculaire. En 4 ans, on a quand même eu 3 étés caniculaires, ce qui a accéléré cette évolution de la haute montagne face à un climat changeant. Moi, j'ai aimé être là-haut. Ouais. Alors, j'arrivais en hélicoptère, en début de saison, et je repartais en hélicoptère, parce que je ne bougeais pas du tout du refuge de toute la saison. Et du coup, c'est vrai que c'était toujours une très forte émotion pour moi de me faire déposer en début de saison en me disant « Ah, ça y est, je suis partie pour plusieurs mois. » Quitter le refuge en fin de saison, redescendre, c'est un arrachement, Delphine Dantignac. Oui. Ah, pour moi, ça l'était en tout cas. C'était quand j'étais donc à l'Échaud, c'est le pilote Pascal Brun qui venait me chercher. Et il m'arrachait de ce décor. Je montais dans l'hélicoptère et l'hélicoptère partait en arrière, donc j'étais face au refuge, je le voyais petit à petit disparaître au loin. Et là, je pleurais d'émotion, de tristesse, de me dire « Ah, la saison s'arrête !» Puis il y avait toute la fatigue qui retombait, je me disais « Voilà !» Et pour moi, ça me fendait le cœur de me dire que pendant plusieurs mois, j'étais pas dans ce refuge, parce que j'y étais profondément attachée, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire redescendre ? Redescendre, c'est retourner dans une certaine réalité de la vie, être pris dans un rythme totalement différent parce que tout va un petit peu plus vite en bas. Aller réouvrir sa boîte aux lettres, puis des fois la boîte aux lettres on n'a pas trop envie de l'ouvrir hein, parce que ça veut dire on repart dans un rythme normal, il y a des papiers à faire, il y a les factures qui tombent, il y a tout. Voilà, on est plus. On part dans un rythme plus violent quand on est en bas. Ouais. Pour retrouver la pesanteur. Ouais. C'est vrai que c'est pour ça que j'aimais être en altitude, parce qu'on est protégé de peut-être de cette société qui va un petit peu trop vite. Quand on est en refuge, on est dans notre réalité, hein, parce qu'on n'est pas on a la tête sur les épaules hein, pour être là-haut, mais on est protégé de tout ce qui va trop vite et puis on. J'ai l'impression d'avoir un rythme de vie ou un style de vie plus sain là-haut. Voilà. C'était Un refuge entre deux mondes avec Emiliane Pépi, Dominique Potard, Delphine Lantignac, Céline Mila, Claude Queneau, Ludovic Ravanel, Philippe Bidot et Lorraine Afanassieff. Merci à Laurence Cantel, à Charlie Buffet des éditions Guérin, à Chantal Spielmaker et à Pascal Cobert, rédacteur en chef de la revue L'Alpe. Coordination Perrine Kervran, accompagnée de Marie-Vonne Abolivier. Un documentaire de Marie Chartron et François Test. Alpiniste, skieur, berger, randonneur ou tuberculeux, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, liens ou nous réécouter au sommet, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret.